soleil noir, un signe d'espoir. Joie d'un Dieu invisible, règne d'amour, vie de la Bible, c'est vie dictée dans les étoiles, comme au fond des cathédrales. Seul point commun de l'être humain, la foi en son prochain. Vivre, travailler, mourir, pas une brèche pour s'enfuir. Ce roi choisit notre histoire, mais on a besoin d'y croire. Le bonheur de l'impuissance, vainqueur pour le dernier combat, là où la mort ne passera pas. Jaune, blanc, noir, un seul drapeau, une vie honnête pour les badauds. Ce roi dicte notre histoire, mais on a besoin d'y croire. On a besoin d'y croire, on a besoin d'y croire.